complètement perdu, tu dis que personne ne peut te comprendre. Ta vie est un combat et t'en as marre de te défendre. Vu ta situation, t'envisages même de descendre. Lors d'un coup, lors d'un braquage ou lors d'une descente, tu places un gun en face de toi, tu fais que ça détend. Ton état d'esprit, c'est le stress, pas la détente. Car toi t'en demandes, plus c'est dément. C'est le genre de réalité que personne ne demande. Hélas, t'as vu la plupart tes rêves partir dans le vent. Pour un avenir décevant, écrit par avance. Malheureusement, tu trouves pas de sens à ton existence. Et quand t'y penses, tu regrettes le jour de ta naissance. Alors la mort pour toi devient une évidence. Car c'est la seule encore capable de pouvoir t'apporter la délivrance. Donc, pour faire cette vie qui t'avait mis sur sa liste d'attente, tu presses la détente en t'envoyant une balle dans la tempe. La vie est courte, alors faut pas la gâcher. Mais trop de frères braquent le revolver sur leur tempe et appuient sur la gâchette. Témoin d'une mauvaise ère, victime de la misère pendant l'absence d'un père. Bref, de tout ce que Dieu leur a visère. La vie est courte, alors faut pas la gâcher. Mais trop de sœurs blessées par des problèmes de cœur se couplent les veines en cachette. On rend hommage à toutes ces âmes en perdition, même si on sait que la mélodie de la mort nous joue sa partition. À l'heure où vous lirez cette lettre, il sera trop tard. J'aurais déjà mis un terme à cette existence terne déguisée en cauchemar. Vous retrouverez mon corps sans âme parti vers l'autre monde. En guise d'épitaphe, le mot lâche sera inscrit sur ma tombe. Je m'excuse par avance de vous avoir abandonné. Avec le temps, j'espère que vous trouverez la force de me pardonner. Je ne voulais pas vous faire du mal, je me sentais condamné. J'en pouvais plus, ma seule issue, bah c'était de m'en aller entre la mort. Et puis cette vie, j'ai dû me départager. Je serais pas parti de ceux qui partageaient. Même à mon pire ennemi, je ne souhaiterais pas cette destinée. En faisant ça, je serai ce gars qu'on cessera d'estimer. J'suis qu'une personne de plus qui de cette liste s'est désistée. J'ai préféré être réaliste plutôt que résister. C'est pour ça qu'auprès de vous mon contrat j'ai dû résilier. Mais de là-haut je garde un œil sur vous afin qu'on reste lié. La vie est courte alors faut pas la gâcher. Mais trop de frères braquent le revolver sur leur temps et appuient sur la gâchette. Témoin d'une mauvaise ère, victime de la misère pendant l'absence d'un père. Bref, de tout ce que Dieu leur a visère. La vie est courte alors faut pas la gâcher. Mais trop de sœurs blessées par des problèmes de cœur se couplent les veines en cachette. On rend hommage à toutes ces âmes en perdition, même si on sait que la mélodie de la mort nous joue sa partition. Et yo Venom mon frère, je me rappelle quand j'ai voulu le faire. À la mort de mon père, Dieu et son âme, je te jure j'en ai souffert. Quand j'étais mis sous perf à l'hôpital des dépressifs, quand je me disais pour moi y'a plus rien de bon, ça sert à rien que j'existe, pourquoi je franchis pas le cap. À cette époque 24 sur 24, j'étais chez moi à me prendre la tête, ou sur le divan du psychiatre. J'étais tellement pris dedans que je pouvais plus m'envoyer tête. J'avais plus rien de vivant et même mes potes me voyaient tête. Je vivais dans mon passé pendant que de vraies années passaient, sans cesse à me repasser les bribes d'un vieux dossier classé, le visage plein de rides, témoin d'une jeunesse dépassée. J'étais lassé d'être une coque vide alors que je voulais la remplacer. Donc je suis reparti à zéro, y'a que comme ça que je pouvais m'en remettre. En partant du plus bas pour monter haut, j'ai pu renaître. J'ai rouvert les volets qui privaient de lumière mes fenêtres. Fais le deuil de mon passé pour reconstruire de nouveaux rêves. Maintenant je m'adresse à toi qui peine à trouver la lueur. Très peu de personnes le peuvent, mais je comprends ta douleur. Je sais que t'as constamment l'impression que ta vie n'est qu'à l'heure. Mais tu laisseras tous ceux qui t'aiment en pleurs si tu pars avant l'heure. La vie est courte alors faut pas la gâcher. Mais trop de frères braquent le revolver sur leur temps et appuient sur la gâchette. Témoin d'une mauvaise ère, victime de la misère pendant l'absence d'un père. Bref, de tout ce que Dieu leur a visère. La vie est courte alors faut pas la gâcher. Mais trop de sœurs blessées par des problèmes de cœur se couplent les veines en cachette. On rend hommage à toutes ces âmes en perdition, même si on sait que la mélodie de la mort nous joue sa partition. La vie est courte alors faut pas la gâcher. Mais trop de frères braquent le revolver sur leur temps et appuient sur la gâchette. Témoin d'une mauvaise ère, victime de la misère pendant l'absence d'un père. Bref, de tout ce que Dieu leur a visère. La vie est courte alors faut pas la gâcher. Mais trop de sœurs blessées par des problèmes de cœur se couplent les veines en cachette. On rend hommage à toutes ces âmes en perdition, même si on sait que la mélodie de la mort nous joue sa partition.